avis. J'appuie sur le bouton de la lumière, maintenant tout s'inverse, on va vivre en négatif. En rentrant chez moi, coup du siècle, Ben Laden lâche une nouvelle vidéo disant combattre le terrorisme, hallucinant. Comme voir Sarkozy vendre du shit, chute. François Fillon guette l'arrivée des flics. L'Afrique, le continent le plus développé, suivi de l'Asie, Océanie, Europe et enfin les Amériques, les États-Unis. Les pauvres, après les deux tours, merde, c'est tout leur pays qui s'effondre à leur tour. Tu as jamais entendu l'expression, la roue tourne. Ok, c'est faux, mais le monde lui tourne réellement. Même la mort est en négatif, car en fait, la vie est en surnom. Vu qu'on vit, meurt puis revit. Je te répète, pour enrichir ta matière grise. La vie est en surnom, vu qu'on vit, meurt puis revit. La vision est négative, négatif est le changement. La différence de perception, le fait devient dominant. Positif pour être fier, négatif pour les fiers. N'oublions pas que tout se paye, même après notre ère. La vision est négative, négatif est le changement. La différence de perception, le fait devient dominant. Positif pour être fier, négatif pour les fiers. N'oublions pas que tout se paye, même après notre ère. J'ai vu Bill Gates travailler à la chaîne dans l'informatique pour seulement juste quelques centimes. J'ai vu l'Amérique en pleine guerre pour leur liberté, terre de coloniser. Christophe Colomb ne les a pas découverts. Tunis, Algérie, Rabat se disputent la place, la plus belle capitale du monde, Maghreb United. Qui l'aurait cru, comme apprendre que la Mecque était la seule merveille du monde. Masha'Allah. Qui l'aurait vu me mettre une balle dans la tête. Tout s'inverte, donc ce qui ne me tue pas me renforce. Te souviens-tu du coup de boule de Materazzi sur Zizou. L'Italie a 10, la France elle, champion du monde. Le monde est bien plus drôle mais non, vu que la coque a viré au noir, donc plus personne s'en approche. La guerre diminue, de plus en plus c'est normal. Les balles renforcent les adversaires. La vision est négative, négatif est le changement. La différence de perception, le fait devient dominant. Positif pour être fier, négatif pour les fiers. N'oublions pas que tout se paye, même après notre ère. La vision est négative, négatif est le changement. La différence de perception, le fait devient dominant. Positif pour être fier, négatif pour les fiers. N'oublions pas que tout se paye, même après notre ère. Yeah. Tout ce qu'on fait de mal dans ce monde, on le payera. Que ce soit ici ou ailleurs, on le payera. La vision est négative, négatif est le changement. La différence de perception, le fait devient dominant. Positif pour un tiers, négatif pour les fiers. N'oublions pas que tout se paye, même après notre terre. La vision est négative, négatif est le changement. La différence de perception, le fait devient dominant. Positif pour un tiers, négatif pour les fiers. N'oublions pas que tout se paye, même après notre terre. La vision est négative, négatif est le changement. La différence de perception, le fait devient dominant. Positif pour un tiers, négatif pour les fiers. N'oublions pas que tout se paye, même après notre ère. La vision est négative, négatif est le changement. La différence de perception, le fait devient dominant. Positif pour être fier, négatif pour les fiers. N'oublions pas que tout se paye, même après notre ère. Dans le couloir de la vie, j'ai appuyé sur le bouton de la lumière. Maintenant tout s'inverse, on va vivre en négatif. Presque 10 piges sont passées. Le monde connaît plus trop la guerre et la vie n'est plus aussi gore. La mort existe toujours, mais le trois quarts du temps elle est naturelle. Le monde va mieux, mais faudrait que ça continue. Mais faudrait que ça continue.